qu'on veut, c'est voir les yeux de nos enfants briller. Ce qu'on veut, c'est voir les yeux de nos enfants briller. Aujourd'hui dès la naissance t'as déjà des dettes, celles de l'État. Tu comprends maintenant pourquoi on n'a plus de retraite. Ça sent le guet-apens, t'écoutes et puis t'attends. Encore combien de temps les voir se comporter comme des traîtres. Quand tu veux on te donne rien, quand tu vois c'est des mensonges, des illusions. Et quand ils veulent ils prennent des biens, t'as pas compris. Ils ont mis des lois à l'esclavage, ils l'ont appelé monarchie. Démunis, je suis dégoûté. Voir les gens se battre pour la gauche ou la droite. Les gars, c'est pour nous diviser. Ils nous gavent comme des soies pour faire tourner leur commerce comme du vulgaire foie gras. Tu me prends pour un fou si tu ne crois pas. Mais tu verras le jour où tes enfants ne mangeront pas. Un voleur, on veut toujours de plus en plus. Donc de sûr, ça arrivera. On veut réussir. Mais dans quoi ils ont brisé nos rêves? Pourquoi les jeunes se suicident? Ils voulaient une belle vie mais n'avaient pas de preuves. Mais dites-moi qui ne nous ment pas. Ils sont déjà partis, on les reverra pas. Il nous reste à vivre, on n'y croit pas. Mais surtout pas de bêtises, les gars on lâche pas. Des exemples y'en a des millions. Qui n'a pas un rêve dans sa vie peut réussir c'est gagner des millions. Alors dis-moi quel est l'exemple à suivre. Ils nous baratinent nos infos, font passer pour des héros. Les magazines vendent des stars infos. Les gosses s'imaginent aujourd'hui que pour réussir il faut avoir un corps de rêve et pas de cerveau. Nos enfants s'identifient à ce qui passe à la télé. Encore un complot média politique bien huilé. Ils veulent les abrutir pour qu'ils puissent gober les conneries qu'on leur dira les 80 prochaines années. Nous sommes devenus nos propres produits de consommation. Donc on se consomme et grâce à nous ils consomment. Je conçois plus que leurs paroles résonnent dans nos têtes et peu à peu prennent la place de notre raison. On veut réussir. Mais dans quoi ils ont brisé nos rêves? Pourquoi les jeunes se suicident? Ils voulaient une belle vie mais n'avaient pas de preuves. Mais dites-moi qui ne nous ment pas. Ils sont déjà partis, on les reverra pas. Il nous reste à vivre, on n'y croit pas. Mais surtout pas de bêtises, les gars on lâche pas. On veut réussir. Mais dans quoi ils ont brisé nos rêves? Pourquoi les jeunes se suicident? Ils voulaient une belle vie mais n'avaient pas de preuves. Mais dites-moi qui ne nous ment pas. Ils sont déjà partis, on les reverra pas. Il nous reste à vivre, on n'y croit pas. Mais surtout pas de bêtises, les gars on lâche pas.